بسم الله الرحمن الرحيم. Mousaylima a prétendu être prophète. Vers la fin de la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a correspondu avec lui par lettre, et l'a nommé Mousaylima le menteur. Ses partisans étaient nombreux, et ses méfaits au sein des musulmans étaient graves, jusqu'à ce que les compagnons, qu'Allah les agrée, en finissent avec lui du temps d'Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah l'agrée, dans la bataille célèbre d'Al-Yamama. Ibn Kathir a dit: les historiens nous ont rapporté que Mousaylima le menteur avait des traits de ressemblance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a fait savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait craché dans un puits et son eau augmenta. Mousaylima cracha aussi dans un puits et son eau diminua jusqu'à disparaître totalement. Dans un autre récit, il est dit: son eau est devenue amère et saumâtre. Il l'utilisa pour ses ablutions, puis arrosa avec celle-ci un palmier qui se dessécha et périt. Mousaylima se rendit auprès de deux enfants qu'il bénit. Il passa sa main sur leur tête. De par ce geste, l'un est devenu chauve et a entraîné chez l'autre une défaillance d'élocution. On raconte qu'il a invoqué Allah en faveur d'un homme qui souffrait de ses yeux. Il passa sa main sur les yeux et l'homme est devenu aveugle. Ces propos viennent du livre Classification des points notables de Al-Bidaya wa An-Nihaya, le commencement et la fin, d'Ibn Kathir.